toutes et tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Je peux pas, j'ai patrimoine, votre rendez-vous mensuel dédié à la découverte et à la valorisation de notre riche héritage culturel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Poqueton, chargé d'études en inventaire du patrimoine au Pays-Loire-Touraine. Bonjour Arnaud. Bonjour Marlène. Alors avec vous, nous allons explorer aujourd'hui la récente fin de l'étude sur le patrimoine religieux. Enfin, quand on parle de fin, vous nous expliquerez où ça en est. L'architecture et le mobilier des édifices religieux de notre belle région. Et puis on abordera également le lancement d'une nouvelle étude passionnante en partenariat avec divers acteurs locaux dont vous allez également nous parler, en revenant évidemment sur les méthodologies employées, les étapes prévues, etc. Alors, parlons-en de cette étude sur le patrimoine religieux, Arnaud. Où est-ce que ça en est ? Les conférences sont maintenant achevées. Oui, alors en fait, l'étude sur le patrimoine religieux, architecture et objets mobiliers, s'est achevée, on va dire, en fin d'année dernière par la sortie d'un livre qui s'appelle « L'art dans les églises, le mobilier religieux en Pays-Loire-Touraine », qui est sorti début novembre. Et donc, pour accompagner la sortie de l'ouvrage, on a organisé une série de 5 conférences. Tout à fait. Dans les principales villes du pays, donc Amboise, Bléré, Mont-Louis, Château-Renaud et Vouvray. Et donc on a accueilli un peu plus de 130 personnes au total sur ces conférences. Donc ça fait une moyenne d'une vingtaine, une trentaine de personnes à chaque fois. Donc c'était l'occasion à la fois de présenter le livre et de présenter des exemples d'objets qui ne figurent pas dans le livre. Mais ça permettait aux gens de découvrir plus de choses et du patrimoine de proximité, puisqu'on avait essayé de choisir des exemples à chaque fois qui concernait la ville qui nous accueillait, mais aussi les petites communes autour de cette commune. Est-ce que parmi les personnes qui sont venues assister à vos conférences, il y a des questions qui revenaient régulièrement sur les différents sites où vous avez pu aller donner Alors, vos conférences ? Oui, il y avait des questions particulières. En fait, les gens s'intéressaient aussi à leur église communale. Donc, en fait, il y avait des fois des questions très précises. Ouais. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a eu plusieurs fois la même question qui a été posée. Et c'était une question, mais maintenant, est-ce que vous allez faire la même chose sur une autre partie du territoire ? Parce qu'il y avait parfois des gens qui venaient d'un peu plus loin et qui n'étaient pas concernés. Ah, oui. Et alors, cette église-là, est-ce que vous allez la faire ? Non, malheureusement, elle n'est pas sur le territoire du pays. Donc, c'était assez drôle. Il y a eu 2 ou 3 fois la question qui a été posée par des personnes différentes. Et concernant cette étude, là, actuellement, je termine la rédaction des dossiers qui vont alimenter la base de données régionale. Mmh. Donc, en fait, si vous tapez patrimoine en région Centre-Val-de-Loire, vous allez tomber sur la base du service patrimoine de la région, sur laquelle on publie les dossiers qui sont rédigés par les différents chercheurs qui étudient le patrimoine en région. Donc là, sur l'étude sur les églises, j'ai rédigé un peu plus de 700 dossiers. Mmh. Donc il y en a déjà 400, un petit peu plus de 400 qui ont été mis en ligne. Et l'objectif, là, c'est que d'ici la fin du mois de mars, le début du mois d'avril, eh bien, on finisse de mettre en ligne tous ces dossiers pour que le grand public puisse accéder aux données. Ça sera classé de quelle manière ? Par commune ? Oui, en fait, il y a un premier dossier qui présente l'étude en général, l'aire d'étude, et puis après, il y a des liens, donc église par église. Et quand vous arrivez sur le dossier de l'église qui vous intéresse, ensuite, vous avez des liens vers une présentation du mobilier de cette église, puis des exemples étudiés, donc vers tel ou tel tableau, telle ou telle statue. Est-ce que certains prêtres qui officient dans les communes actuellement, par exemple, sont venus s'intéresser à vos conférences ? Alors oui, il y a quelques prêtres qui sont venus assister aux conférences, également des membres de la paroisse, enfin des gens qui s'occupent des églises, des sacristains et sacristines, qui sont venus pour en apprendre plus sur l'église qu'ils fréquentent habituellement, mais ils ont appris des choses qu'ils ne connaissaient pas pour certains. Très bien. Donc ça y est, la page se tourne presque, bientôt. Oui, là l'objectif c'est que, je le disais, d'ici fin mars, début avril, on puisse passer à une autre étude. Ce qui veut dire que vous allez prendre des vacances ou que vous allez tout de suite enchaîner, Arnaud, sur de nouvelles études ? Alors, je vous rassure, j'ai réussi à prendre quelques vacances pendant l'étude sur les églises, quand même. Qui a duré plusieurs années, rappelons-le. Oui, donc non, il n'est pas prévu de vacances au mois d'avril. Je ferai quelques ponts au mois de mai, mais... oui, donc là, l'idée, en fait, que ce soit au niveau du Pays-Loire-Touraine et également au niveau de la région Centre-Val-de-Loire, les deux parties, en fait, ont émis le souhait de poursuivre le partenariat, puisque donc ce travail d'inventaire, il se fait toujours dans le cadre d'un partenariat avec la région Centre-Val-de-Loire. Donc là, actuellement, il y a une phase de rédaction de conventions de partenariat, donc assez administrative et juridique, mais dans laquelle on doit aussi exposer l'objectif et l'objet de la nouvelle étude. Mmh. Donc là, dans l'idée, il y aura une validation politique qui sera proposée à la fin du mois de mars. Donc la région et le pays seront amenés à se positionner et à signer le partenariat. Ce qui veut dire qu'on ne peut encore rien en dire ? Alors si, on peut déjà en dire quelques mots quand même. Ça m'arrange parce que sinon on allait clôturer l'émission. Alors la convention de partenariat, elle prévoit un partenariat de 3 ans, donc sur 2025, 2026, 2027. Et l'idée, ce serait que la prochaine étude concerne le patrimoine public civil, architecture et mobilier, c'est-à-dire de faire un peu le pendant de ce qu'on a pu faire sur les églises, puisque donc, les églises qui ont été étudiées, il faut le rappeler, sont des bâtiments publics, puisqu'ils appartiennent aux communes. Et donc là, l'objectif, ce serait d'étudier les bâtiments, l'architecture de l'administration, de la vie publique, donc les mairies, les écoles, les lieux de culture et de loisirs, enfin tous les bâtiments qui appartiennent aux collectivités publiques. Donc là encore, vous allez prendre votre sac à dos, emmener votre collègue qui est sur l'aspect cliché photographique, et vous allez arpenter les bourgs des villages des 55 communes que constitue le Pays Loire-Touraine. Alors en fait, chaque étude d'inventaire, elle reprend un peu la même méthodologie, c'est-à-dire la première phase, c'est une phase de recherche bibliographique, donc en bibliothèque et en archives, donc d'aller directement consulter les sources. Et après, effectivement, on se rend sur le terrain pour observer, décrire, analyser les édifices, mais également les objets, quand il y en a. Et puis, effectivement, ponctuellement, dans le cadre du partenariat avec la région, je bénéficie de 2 jours de campagne photographique. Donc, lors de ces campagnes, je suis accompagné d'un photographe professionnel qui travaille au sein du service patrimoine de la région et qui vient donc photographier certains édifices et certains objets que j'ai préalablement étudiés et sélectionnés pour les dossiers. Et puis donc, ensuite, c'est une phase de rédaction des dossiers qui viendront alimenter la base de données et en dernier lieu une phase de valorisation donc qui peuvent prendre différentes formes mais donc généralement il y a toujours une publication, des conférences mais ça peut parfois être aussi des expositions, des visites guidées, enfin là ça reste à construire une fois que l'étude est suffisamment avancée. Ok, je vous propose qu'on fasse un tour en musique avec une reprise des Beatles, une reprise d'un titre qui s'appelle Across the Universe, interprété par Rufus Wainwright. C'est bien ça. C'est bien ça. Parfait. Il me regarde avec des... Elle a réussi à le dire. Parfait. Parfaitement. On écoute et puis juste après, vous nous expliquerez un petit peu quel type d'architecture vous allez étudier plus précisément. Très bien. C'est parti. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant Guru change my world. Nothing's it's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of earth are ringing through my open mind, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Une reprise du grand groupe Les Beatles par Rufus Wainwright. C'est le choix aujourd'hui d'Arnaud Poqueton. Arnaud est chargé d'études inventaire du patrimoine au Pays-Loire-Touraine. Il vient donc d'achever un long et fastidieux travail, mais non moins intéressant, sur le patrimoine religieux, son architecture et son mobilier. Et à présent, il attaque trois nouvelles années d'études qui seront cette fois-ci sur le patrimoine public civil, les mairies, les écoles, les édifices publics. Alors, comment vous allez vous y prendre, Arnaud, pour commencer cette étude ? On sait qu'il y a toute une étude d'archives qui va avoir lieu au préalable. Et après, qu'est-ce qui fait que vous allez vous diriger vers telle ou telle commune ? Comment vous allez mettre dans l'ordre tout ça ? Bon, en fait, il faut savoir que sur les 55 communes du Pays-Loire-Touraine, il y a déjà 25 communes, donc 16 sur le canton de Bléré et 9 pour la vallée de la Brenne, qui avaient été étudiées dans le cadre d'études topographiques, donc des communes pour lesquelles on a déjà fait l'étude des bâtiments publics. Donc en fait, il reste 30 communes à étudier. Et tout simplement, on va regarder la carte et puis je vais sélectionner 3-4 communes voisines pour étudier en parallèle un petit groupe de plusieurs communes, ce qui va permettre, lorsque je vais aller sur le terrain et surtout lorsque je vais retourner sur le terrain avec le photographe, d'organiser les séances géographiquement, c'est-à-dire de ne pas être obligé d'aller faire des photographies du côté de Château-Renaud, puis le lendemain à côté de Mont-Louis. C'est plus simple si on s'organise. Oui. Pour l'instant, l'ordre d'étude des communes n'est pas déterminé, mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un suivi un peu géographique. Là, l'étude va être plus courte, je pense, que l'étude précédente. Donc, on peut penser qu'il y a une année qui va être consacrée plutôt au secteur autour de Château-Renaud, la deuxième à Tournemboise et la troisième autour de Mont-Louis-Vouvray, par exemple, pour que, voilà, en 3 ans, on ait couvert le territoire, en sachant que, de toute façon, le rendu ne se fait qu'à la fin de l'étude. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'importance à passer en premier ou en dernier, parce que si la commune est étudiée en premier, il faudra qu'elle attende un peu pour avoir les résultats. Alors, si c'est la dernière étudiée, finalement, le temps entre le moment où la commune est étudiée et les résultats sont diffusés, il se passe moins de temps entre les deux, en fait. Mais du coup, elle va être plus courte parce qu'il y a déjà des communes qui ont été étudiées, parce que finalement, à contrario, il va y avoir plus de choses à regarder dans les communes. Alors, le corpus qui va être étudié, il va y avoir beaucoup plus d'édifices, donc beaucoup plus de dossiers d'architecture cette fois-ci. Par contre, il y aura probablement beaucoup moins d'objets mobiliers, puisque l'étude des églises, dans chaque église, il y avait environ une centaine minimum d'objets. Là, dans les mairies, le nombre d'objets mobiliers va être plus réduit, Donc, bon an, mal an, le corpus va se rééquilibrer, enfin même va passer dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aura plus d'architecture, moins de mobilier. Et bon, de toute façon, les conventions de partenariat avec la région sont des conventions de 3 ans. Et donc, on verra bien en cours d'études s'il y a besoin de prolonger, notamment pour la phase de valorisation. C'est-à-dire que peut-être que ce sera 3 ans d'études plus une année pour rédiger un nouvel ouvrage et terminer les dossiers. Mais bon, de toute façon, de base, il faut signer une convention de 3 ans. Donc, C'est quoi les objets que vous allez étudier là, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve régulièrement dans des écoles ou dans des mairies peut-être plutôt même? Alors quand on parle de mobilier public, on pense tout de suite en premier au bus de la République, c'est-à-dire au bus de Marianne qu'on retrouve traditionnellement dans les mairies. Alors il faut savoir qu'il existe en fait une grande diversité de représentations de Marianne, puisque donc il n'y a pas un buste officiel, mais il y a eu au fil des décennies, donc, ce buste il apparaît au milieu du 19e siècle, mais il se développe vraiment à la fin du 19e siècle. Après on pourrait faire une émission entièrement dédiée à la Marianne en fait, parce qu'elle a, suscité tellement... De copies, comme vous le dites. Il y a eu des créations originales, et puis c'est vrai que ces dernières années, au XXe siècle, il y a des artistes célèbres à partir des années 70 qui vont donner leur trait aux Marianne. On a par exemple des Marianne Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta ou Mireille Mathieu. Donc c'est quand même. Il y a un panel très différent, en effet. Et dans les mairies, on trouve également des objets qui sont liés. Par exemple aux fanfares, aux harmonies municipales, donc on va avoir des instruments de musique, des bannières, des médailles. On trouve également des choses un petit peu plus originales, des maquettes, par exemple de projets de construction de bâtiments ou de statues. Je me rappelle qu'à, par exemple, quand j'ai fait l'étude de la vallée de la Brenne, j'avais quelques armes, donc à Vernouille, il y avait des fusils, à Rugny, il y avait un canon. Et puis on a parfois des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Objets d'art comme des peintures, des tapisseries peut-être. Alors, on a également des peintures, des tapisseries. On a à Château-Renaud, en fait, la ville avait reçu en don des objets, plus de 700 objets de mémoire, qui venaient d'une ancienne pharmacie. Donc là, c'est un fonds assez original. Et pareil, ils avaient reçu, alors c'était plus une soixantaine de trophées sportifs. Qui venait du bar des sports. Donc ça, c'est quelque chose. Vous en aviez parlé dans une précédente. C'est quelque chose qui est assez original. On va pas retrouver ça dans toutes les communes. Ouais. Alors, il y a quand même une précision à apporter par rapport à tous ces objets. Là, on évoquait par exemple les peintures ou les statues ou les tapisseries. L'étude ne comprend pas les objets qui appartiennent à des collections de musées. Oui, d'accord. Parce que les musées savent déjà les collections qu'ils possèdent, sont chargés de faire un récollement régulier, de vérifier l'état des œuvres. Donc ça, c'est des œuvres qui sont déjà prises en compte par les musées. Mais nous, on va prendre en compte les objets qui peuvent se trouver dans la salle des mariages, dans l'école, enfin en tout cas les autres objets qui ne sont pas pris en compte par personne d'autre en fait. Et des fois, on en retrouve remisés dans le grenier aussi. Il ne faut pas oublier d'aller voir les greniers des mairies. Ou des écoles. On imagine des encriers à plumes ou des choses super à retrouver. Des bureaux, des cartes, enfin on peut, oui. Comment vous allez valoriser ces données-là? Après, ça va être également de la même manière que pour le patrimoine religieux, à savoir édition d'un ouvrage, des conférences pour informer le grand public? Alors oui, généralement, c'est à minima les deux modes de valorisation qu'on utilise. Mais ça, c'est plutôt une valorisation qui se fait à la fin. Parce qu'on a une vue d'ensemble, enfin, en tout cas pour la publication c'est certain, il faut la faire à la fin. Par contre on peut envisager aussi des actions au fil de l'eau, par exemple sous la forme de visites guidées donc avec mes collègues du Pays d'Art et d'Histoire. Mais il y a également en fait tous les ans, dans le cadre du partenariat avec le service de l'inventaire, les chercheurs du service et les chercheurs associés donc, en ce qui me concerne, on doit écrire au moins un article ou deux qui sont publiés sur le site du service. Donc là, le dernier article que j'ai publié, c'était en mois de novembre l'année dernière, c'était sur le rôle des prêtres dans l'ameublement des églises au 19e et 20e siècle, puisque donc, localement, il y a quelques cas de prêtres artistes. Donc c'était un moyen de les mettre en valeur. Et puis, en fait, les actions de valorisation, elles peuvent aussi se construire en cours d'études. C'est-à-dire, vu le sujet, on peut envisager que certaines communes ou certaines écoles voudront monter des projets particuliers pour que soit les habitants, soit les élèves de l'école en apprennent plus sur le patrimoine de la commune. Et ça va se construire au fur et à mesure, finalement, quoi. Bah, c'est passionnant, tout ça. On a hâte de découvrir les trésors que vous allez vous-même découvrir au travers de ces recherches. C'est quoi la particularité architecturale d'une école dans une commune ? Alors, ça dépend de quand date l'école en question, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, la plupart des édifices qui vont être étudiés, c'est des édifices qui ont été construits soit au 19e, soit au 20e siècle. Vu le sujet de l'étude, on est quand même sur cette période chronologique-là. Parce qu'au début du 19e siècle, par exemple, les mairies et les écoles ne disposent pas d'édifices dédiés. La plupart du temps, les communes, les conseils municipaux louent des salles de réunion pour le conseil municipal ou louent des maisons pour faire des écoles, mais en fait, ils ne sont pas propriétaires de l'édifice et ils ne construisent pas des bâtiments dédiés. En tout cas, pour les communes rurales, c'est le cas. Et il faut attendre quelques décennies pour que, quand l'instruction publique devient de plus en plus obligatoire, enfin, en 1833, la loi Guizot incite quand même au développement des écoles primaires. Donc là, on a déjà des premiers projets de construction ou d'achat d'édifices. Et à partir de 1867, les municipalités sont dans l'obligation d'avoir des écoles de filles et de garçons qui sont séparées. Donc là, c'est pareil, on a une grande période à partir de cette époque-là d'achat et de construction, de réaménagement d'édifices pour accueillir l'école de garçons, l'école de filles. Avant cette époque-là, il y a ce qu'on appelle des écoles mixtes. Alors, c'est assez drôle, j'avais retrouvé pour la vallée de la Brenne plusieurs plans où on avait des écoles mixtes, où on avait un dessin de la salle de classe. Donc d'un côté, on avait les bureaux pour les élèves garçons, de l'autre côté, les bureaux pour les élèves filles, au centre, le bureau du maître, et devant le bureau du maître, il y avait une cloison en bois qui séparait les garçons et les filles. Donc les garçons et les filles ne se voyaient pas. Par contre, le maître voyait les deux côtés de la pièce. Oh là là, ça donc paraît, il y avait déjà une séparation. Ouais. Et après, bon, la loi a fait que c'était carrément des bâtiments distincts. Donc on a une grande période de construction d'école à la fin du 19e siècle. On a même des modèles qui s'appellent mairie-école, c'est-à-dire qu'on associe dans un même bâtiment, dans un même ensemble de bâtiments, la mairie, l'école, et souvent les logements des instituteurs, en fait. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup d'écoles et de mairies dans des bourgs qui sont accolées, en fait. Oui. Des écoles primaires neuves, il y en a alors pas après, partout. Alors après, c'est avec les extensions qui ont pu avoir lieu au XXe siècle, où le nombre d'élèves augmentant, on est obligé de séparer la mairie et l'école. Et donc, soit on construit une nouvelle mairie, soit on construit une nouvelle école. Mm. Donc ça se sépare un petit peu, mais... Et est-ce que ça va concerner les écoles du privé qui parfois peuvent avoir aussi, alors on a bien parlé du domaine public, mais il y a quand même sur certaines communes des édifices magnifiques qui sont de la propriété de privé. Oui, là pour le coup, ce qui est étudié c'est l'architecture publique, donc les propriétés privées là ne seront pas étudiées. Après on peut les renseigner à minima, mais normalement ne seront pas étudiées. Après il faut voir ce que ça représente en termes de corpus, si ça ne fait pas beaucoup d'écoles, peut-être qu'on pourra essayer de l'intégrer à la fin, par exemple, pour compléter sur le scolaire, effectivement. Et ce qui peut être intéressant dans ce type d'études, c'est de faire ressortir aussi le rôle, par exemple, de quelques architectes. Parce que donc, pour ces constructions-là, au 19e siècle, souvent, on a fait appel à des architectes tourangeaux, des architectes locaux. Et ça permet de mieux connaître leurs œuvres, même si certaines on sait qu'ils sont intervenus déjà à tel ou tel endroit, mais ça permet d'avoir une vision plus large de leur travail et de le valoriser après. Ah oui, un petit peu comme Anna qui nous parlait du vitrail et des artisans qui travaillaient sur le vitrail et qui intervenaient évidemment sur beaucoup d'églises de la région. Mmh. Très bien, bon, en tout cas c'est passionnant, on a toujours envie de vous poser plein de questions Arnaud, on a surtout... encore une fois, hâte de découvrir les trésors que vous allez trouver au travers de vos recherches, parce que, comme vous le disiez, dans les greniers, plein de poussière se cachent parfois des choses étonnantes. Merci. On rappelle que vous avez déjà pu mettre des dossiers en ligne concernant le patrimoine religieux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où on peut les trouver ? Alors, c'est sur la base de données régionale. Donc, on tape dans son moteur de recherche « patrimoine en région Centre-Val de Loire » et on va tomber sur le site du service patrimoine de la région. Et on va pouvoir accéder aux dossiers qui concernent le mobilier religieux pour l'étude qui vient de se terminer. Mais vous retrouverez des dossiers plus anciens qui ont été faits par différents chercheurs. Mmh, oui. Donc, il n'y a pas que ces dossiers-là. Il y a tous les dossiers de la région, donc d'autres dossiers aussi également en accès libre. Très bien, eh bien, il nous reste à vous remercier d'avoir consacré ce temps comme vous le faites régulièrement dans le courant de l'année, pour venir nous parler de tout votre travail. Merci beaucoup, Arnaud. Merci à vous. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition de Je peux pas, j'ai patrimoine.